une histoire particulière. C'est vers le 8 septembre 1731, près du cimetière de Songy, entre Châlons en Champagne et Vitry-le-François, qu'une enfant sauvage est retrouvée dans un état d'ensauvagement marqué. Noirâtre, griffue, chevelue, buvant l'eau à quatre pattes tel un animal. Elle articule des phonèmes sans suite, elle frappe fort, mord, refuse toute nourriture élaborée, mais mange gloutonnement la viande crue et les fruits qu'on lui présente. Mais de qui s'agit-il? C'est Marie-Angélique Mémy Leblanc, dont Olivier Chaumel et Julie Bérissy vous racontaient l'histoire hier. L'histoire d'une enfant sauvage, une toute jeune fille ayant vécu 10 ans dans les bois alentours. Une fois sauvée, soignée et confiée à Monseigneur l'évêque, il va falloir l'éduquer, l'instruire. Et ça, c'est une toute autre histoire que voici dans le second épisode. Le Mercure de France du mois de décembre 1731 fait mention d'une jeune fille sauvage trouvée dans le bois de Songy, près de Châlons en Champagne. Voici ce que j'ai pu recueillir de plus certain sur son histoire, tant par les questions que je lui ai faites en différents temps, que par le témoignage des personnes qui l'ont connue quand elle commença à parler français. Madame Equay, histoire d'une jeune fille sauvage, 1755. Dans l'histoire d'une jeune fille trouvée dans les bois à l'âge de 10 ans, l'auteur s'attache en effet à mettre en avant des conjectures vraisemblables, une histoire plausible, etc. Donc, elle se dit, ces enfants ont été trouvés en Champagne. On les avait vus dans la Marne, pêchant des poissons quelque temps auparavant. Comment est-ce qu'elles sont arrivées dans la Marne? Comment est-ce qu'elles s'est retrouvées en Champagne? Bon. Et bien, elle se dit, elle a traversé naturellement l'Atlantique, sans doute comme esclave, et elles ont abordé aux Pays-Bas. Et là, les petites se seraient échappées du bateau. Et de canot en canot, si on aborde dans la mer du Zuiderzee, au nord des Pays-Bas, de canot en canot, par l'Escaut, etc., la Meuse, on arrive, en effet, il y a une plausibilité géographique. Quand Madame Equay raconte cela, on lit ça, on se dit c'est extravagant. Enfin, je veux dire, c'est un scénario de roman dont personne n'aurait voulu. Eh bien, la réalité est bien plus extravagante que ça. Marie-Angélique, la fille sauvage de Champagne, second épisode, où l'on élucide les mystères de la fille sauvage. Olivier Chaumel, Julie Bérissy. Donc moi, je suis venu au monde ici, j'étais élevé ici, et la fille sauvage, à 5 ans, je savais que l'île était là, quoi. C'était aussi la promenade du dimanche après-midi, c'était aussi... elle faisait un peu partie de la vie, quoi, de la famille, d'élever là-dedans. Mais on ne savait pas trop qui elle était, d'où elle venait, parce que l'histoire, on ne la connaissait pas, quelque part. On la connaissait quand elle était là, ou ce qui s'est raconté quand elle était là, mais d'où elle venait, on n'en savait rien. Tout le monde disait, elle vient de Norvège, des Esquimaux. Il y avait plusieurs versions. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle a existé. C'est une toile ? Oui, ça c'est une... Donc une femme d'une tribu du Labrador qui avait été ramenée en Angleterre en 1772 avec un groupe d'Inuit. Voilà, donc c'est un peu l'image déjà de l'Indienne d'Amérique avec cette espèce de nostalgie dans le regard. Elle regarde au loin, il y a quelque chose de très mélancolique, je trouve. Et même si c'est 40 ans plus tard, je pense qu'il y a quand même dans cette fascination pour les Amérindiens et pour ce qu'on appelait les Esquimaux à l'époque, il y a quelque chose qui explique peut-être pourquoi on a voulu faire de Marie-Angélique une Esquimaux. On n'a pas de portrait d'elle, mais j'imagine qu'on la fantasmait peut-être un petit peu comme ça. À première vue, on l'a crue monstrueuse, puisqu'elle était presque nue, elle était dans un arbre, elle était, d'après les reportages, munie d'un bâton, elle avait l'air menaçante, mais... Une fois qu'on l'a domptée, on l'a lavée, on l'a habillée, on lui a appris des rudiments de catholicisme, elle a appris à parler français assez vite. Et donc, ça semble troubler le regard des observateurs, d'où l'intérêt de son cas, parce que c'est un monstre ou bien une sauvage, mais en même temps, une Française d'adoption qui a appris à parler français. On a eu tellement d'appréhension à son égard. Parce qu'il me semble, en fin de compte, assez triste, que malgré tous les efforts qu'elle a faits pour se montrer humaine, se montrer à la hauteur de la culture française, il semble que jamais elle fut vraiment acceptée. Elle vécut quand même en France 40 ans depuis la date de sa découverte et sa mort. Donc c'est quand même assez de temps pour qu'elle puisse, on pourrait imaginer qu'elle puisse se faire des amis ou même tomber amoureuse de quelqu'un, avoir une vie normale, mais jamais elle a eu de vie normale. Elle est toujours isolée, elle est toujours seule. Jean Itard, l'aliéniste qui avait recueilli et étudié méthodiquement, scrupuleusement, Victor de l'Aveyron au tout début du 19e siècle, regrettait amèrement que le cas antérieur de Marie-Angélique Leblanc eût été observé sans soin, en désordre. À lire le docteur Itard, il avait bien travaillé sur Victor, et ses prédécesseurs avaient fait n'importe quoi au sujet de Marie-Angélique. Il n'a pas tout à fait tort, l'histoire de Marie-Angélique est pleine de trous, pour la raison que la mémoire de la principale intéressée l'était aussi. Et les historiens n'ont apporté aucun élément nouveau pendant 200 ans. Et puis, à la fin du XXe siècle, un chercheur indépendant qui signe Serge Harol, intrigué, curieux, opiniâtre, s'est mis en tête de mettre au jour les documents qui pourraient éclairer le passé opaque de la fille sauvage, avant sa capture à Songy en 1731. Nous ne sommes pas dans la haute vallée du Mississippi, nous sommes non loin de la rivière Marne, dans les réserves des archives et de la bibliothèque de Châlons-en-Champagne. Pascaline Vatier, vous nous montrez un document capital dans l'histoire qu'on raconte, qui est l'acte de baptême de Marie-Angélique Leblanc le 16 juin 1732. L'écriture est lisible, après tout. Ça va, en l'église Saint-Sulpice de Châlons. On constate qu'à ce moment-là, on l'appelle Marie-Angélique Mémy. Alors, l'an de grâce, 1732, le 16e jour de juin, a été baptisée par sous-signé, prêtre chanoine, régulier, prieur curé de Saint-Sulpice de Châlons, en Champagne, Marie-Angélique Mémy, âgée environ de... Alors c'est là que ça se passe, Pascaline Vatier. Eh oui, il y a une rature. Il y a une rature. Ce qui n'est pas courant sur les actes officiels d'état civil. Si je vois bien, la première mention, c'est 19 ans. Ouais. Et c'est raturé en 11 ans. Alors, entre 11 ans et 19 ans, on peut, entre 9, 10, 11, bon, on peut se tromper naturellement sur l'âge de quelqu'un. Entre 11 ans et 19 ans, non, ce n'est pas possible. Anne Richardot, maître de conférence à l'Université de Lille. Donc la question est, pourquoi cette falsification ? Qui a intérêt à ça ? Qui a intérêt à ça ? Moi, ma seule explication plausible, mais je n'en sais strictement rien, serait que si elle avait 19 ans, il aurait été plus difficile d'attirer sur elle la bienveillance, de la confier aux sœurs, etc. Si elle avait eu 19 ans, peut-être qu'on s'en serait davantage lavé les mains. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté explicite de qui, on ne sait pas, de la rajeunir. Et donc là, cette rature est le point de départ de l'enquête de Serge Harol, qui a repris toute l'enquête au sujet de l'histoire de Marie-Angélique. Un chercheur indépendant, passionné, oui. Isabelle Guyot. Chirurgien par ailleurs. Et donc, cette rature l'a interpellée. La rature indiquait qu'elle avait 11 ans, mais qu'en dessous, c'était écrit qu'elle avait 19 ans. Il a repris toute l'enquête. Et au lieu de chercher la trace d'une arrivée d'une enfant de seulement 11 ans, et au lieu de remonter les recherches à 10 ans, un peu plus, il a repris toutes les recherches, mais avec 20 ans, un délai de 20 ans. Évidemment, on ne va pas chercher dans les mêmes documents, selon qu'on recule de 11 ans ou de 20. Et oui. Et donc... Il a cherché donc comment cette petite de 20 ans peut-être avait pu arriver en France. Et donc il a trouvé que à Marseille en 1720 était arrivée une dame qui s'appelait Madame de Courtemanche et qui était arrivée accompagnée de ses trois filles et d'une sauvagesse. Serge Arol a par exemple étudié toutes les archives du port de Marseille de l'année 1720, ou certainement un peu avant, un peu après. Hein. 1720, c'est l'année de la Grande Peste, la dernière Grande Peste en Europe, qui a fait quand même 100 000 morts en Provence. Et on peut imaginer le chaos absolu. Bon, eh ben non, il y a quand même quelqu'un, il y a quand même un greffier qui était là pour tenir registre de tous les bateaux entrant dans le port, la liste de tous les passagers, de leurs bagages, de leurs etc., le nom du navire, etc. Et Serge Arol en a dépouillé plus de 1200. Et il est tombé justement sur deux passagères, une adulte et deux petites filles, dont il montre, enfin, je ne vais pas retracer tout le processus par lequel il prouve en effet qu'il s'agit de cette de notre Marie-Angélique, mais la chose est à peu près certaine. Tout de suite, on se doute que celle qui s'appellera Marie-Angélique a une origine exotique. Oui, donc le bateau arrivait du Labrador, et donc Monsieur Arol a fait son enquête dans ce sens-là, en essayant de trouver comment et pourquoi cette femme était arrivée à Marseille. Et en fait, il s'est aperçu donc qu'elle vivait donc à Fort Pontchartrain du Labrador, et que ce fort avait été incendié probablement par des Esquimaux qui étaient hostiles à la présence française là-bas. Et donc, n'ayant plus de toit ni de réserve pour passer l'hiver, Madame de Courtemanche a dû se résoudre à quitter Fort Pontchartrain du Labrador. À revenir en Europe. Voilà. Et on arrive à quelle conclusion ? C'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire absolument incroyable. Elle venait donc d'une tribu amérindienne, la tribu des Renards, qui était alliée aux Anglais, tandis que les Français, eux, avaient un pacte avec les Hurons. Et cette petite, donc, a été capturée, trophée de guerre, peut-être, ou bien elle était orpheline et elle a attiré la compassion. Orpheline du fait des conflits locaux qui sont assez intenses entre les Anglais et les Français, entre tribus indiennes et entre colons et indiens. Absolument. Hein. C'est surtout entre les Renards et les Hurons que les conflits sont incessants. Hein. Donc que les parents aient été tués par la tribu ennemie ou par les Français ou les Anglais, enfin peu importe, mais il est possible que cette petite orpheline donc ait ému de pitié quelqu'un, ou bien, encore une fois, elle a été faite prisonnière et rapportée comme un trophée. Elle aurait été donc confiée à une dame française dont on peut penser qu'elle était moins la domestique qu'une sorte de fille adoptive. Qu'est-ce qui fait penser ça ? C'est que quand cette Française rentre en France, elle l'emmène avec elle. Or, elle aurait pu la laisser sur place, si elle s'en a été servie simplement comme d'une petite bonne. Hein. Elle l'emmène avec elle, et donc elles font route pour la France. Manque de chance, elles abordent à Marseille, justement en 1720, au moment de la Grande Peste. La confusion générale qui s'ensuit fait que les passagères sont séparées, et que la future Marie-Angélique donc se retrouve privée de sa protectrice ou de cette mère adoptive. Elle aurait rencontré une autre jeune fille, une esclave du Soudan, donc une jeune fille noire, un peu plus âgée qu'elle, dans la même situation, c'est-à-dire perdue, ne sachant que faire, et elles auraient en quelque sorte créé une association, enfin une petite entraide. Et donc la partie mystérieuse, et qui continue donc à susciter quand même l'étonnement, c'est cet intermédiaire, cet intervalle d'une décennie entre 1720 à Marseille et puis 1731 en Champagne. Donc qu'elle soit remontée, qu'elle ait parcouru la France à pied, n'a rien d'extraordinaire, surtout en 10 ans. De forêt en forêt, le couvert forestier est quand même très, très important, surtout dans cette partie de la France, hein, si elle remonte dans l'Est, là, etc. Mais qu'elles aient survécu en se débrouillant toutes seules pour se subvenir à leurs besoins, est extraordinaire. Elles ont dû avoir des capacités d'adaptation exceptionnelles. Bah oui, parce qu'à l'époque, il y a quand même encore, dans toutes ces forêts, il y a quand même encore des ours, des loups en pagaille. Hein. C'est une des parties les plus mystérieuses de l'histoire de Marie-Angélique. Effectivement, elle avait une compagne. Ça, c'est quelque chose de bien établi. Elle n'était pas seule dans les bois et elles sont vues à proximité de son gîte dans les jours qui précèdent la capture de Marie-Angélique. Pierre Gandil, conservateur à la bibliothèque de Chalon. Et effectivement, un chasseur les voit nager ensemble. Il dit leur avoir tiré dessus en les prenant pour des poules d'eau et les avoir heureusement ratées. Serge Harol a trouvé un document d'après lequel le chasseur aurait ensuite confessé, longtemps après, que c'était lui qui avait tué la deuxième jeune fille. Et effectivement, Marie-Angélique raconte une histoire selon laquelle elle et sa compagne seraient tombées sur un bijou, donc un chapelet, qu'elles se seraient disputées la possession de ce bijou, que Marie-Angélique aurait donné un coup de sa massue à la tête, et selon l'expression de Marie-Angélique, elle l'aurait faite rouge, blessée de manière à ce que le sang coule, probablement assommée. Et ensuite, les récits divergent. Est-ce que donc Marie-Angélique dit ensuite l'avoir soignée, avoir pansé ses blessures avec des herbes, avec, je crois, des peaux fraîches de grenouilles. Et ensuite, est-ce qu'elle l'a laissée là? Est-ce qu'elles se sont séparées? Voilà, toutes les versions ont été écrites. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de la compagne, elle est mystérieuse, mais elle est très intéressante pour l'interprétation qu'en font les contemporains. D'abord sur le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête véritablement menée. Comme si on considérait que Marie-Angélique étant sauvage, il n'y avait pas de crime qu'on puisse lui imputer. Parce que ce sont des personnages qui sont aux franges de l'humanité, donc pas de notre juridiction en quelque sorte. Ne relevant pas de la justice humaine, manifestement, oui. Et puis, pour les contemporains, manifestement, il ne faisait aucun doute que, étant sauvage, elle avait dû la tuer. Et comme on n'a pas retrouvé de corps, certains ont même été jusqu'à dire qu'elle l'avait tuée et qu'ensuite elle l'avait mangée. Et là, on est vraiment dans un imaginaire de l'enfance sauvage, anthropophage, comme ils peuvent être décrits dans des récits du XVIe siècle et avant. On cherche à faire rentrer Marie-Angélique dans une case qui existe déjà, celle de l'homme sauvage, la femme sauvage, qui vit en général très très loin et qui a des mœurs particulièrement non civilisées. La biographie, quoi supposer, par une certaine Madame Eke, se termine par une scène où on la voit comme une chrétienne repentie. Julia Douthwaite-Viglione, professeure émérite de l'Université Notre-Dame dans l'Indiana. Et le petit livre se ferme avec une scène où on la voit, où Madame Eke lui donne la parole. Et vous avez là une citation qui fait penser à Adam devant son Dieu et qui dit que comment Dieu a pu faire en sorte que je puisse être retiré des bois et qu'on me laisse mourir de faim. Voilà, ça c'est la fin de la biographie. Et le monde anglo-saxon, d'après mes recherches, a sauté sur cette histoire, a vu dans cette histoire de très bons ingrédients pour faire des petites brochures pas chères. En anglais, chapbooks, c'est ça? Il y a chapbooks en anglais, oui. Qu'on pourrait vendre pas cher à travers la campagne britannique et faire propager cette morale chrétienne. Parce que là, vous avez une sauvage bien sauvage, qui a bien voulu se repentir et rester bonne chrétienne. Et je pense que le monde anglo-saxon, avec son désir de propager la foi protestante, je pense que c'est ça qui explique le succès qu'a eu son histoire pendant les premières années du 19e siècle. Parce que cette histoire a été diffusée à travers le pays dans cette forme. Et je pense que c'est ça. L'intérêt pour les lecteurs anglophones, c'était de voir, dans son cas, une histoire qui vous donne de l'espoir pour la foi chrétienne. Et comme les Anglais aussi étaient au Nouveau Monde, en Amérique, peut-être qu'ils avaient l'impression là qu'ils... Bon, ça leur donnait peut-être un peu d'espoir pour l'idée qu'il va être possible de convertir tous ces Indiens là-bas. Voilà un bon exemple d'une petite Indienne qui voulait bien. C'est quand même une histoire fabuleuse, on en parle encore aujourd'hui. Ça a beaucoup marqué les habitants de Songy également. Pascaline Battier, vous êtes archiviste aux archives municipales de Châlons-en-Champagne, mais vous avez la particularité d'avoir grandi à Songy. Est-ce qu'on s'approprie le personnage quand on y vit? Est-ce que c'est un peu quelque chose comme une mascotte? C'est ça, effectivement, je suis songiate. J'ai grandi avec cette histoire de fille sauvage de Songy. Ça veut dire qu'elle est connue des habitants. Alors, il y a 30 ans, elle était déjà connue. On se l'appropriait, on en parlait à l'école. On jouait à la fille sauvage de Songy. On allait sur l'île. Ah, on mangeait pas les grenouilles crues, hein. Par contre, ça, on n'a pas fait. Mais effectivement, on explorait les lieux, le château, les douves. C'est un terrain de jeu pour tous les enfants du village. En tout cas, moi, j'ai souvenir des plus grands qui nous disaient « Attention, va pas trop par là, parce qu'il y a encore la fille sauvage, tu vas te faire attraper et te manger. » Voilà, on avait encore ces histoires-là, mais oui, c'est quelque chose qui marque vraiment les habitants de Songy, parce que c'est une histoire fabuleuse et que ça fait partie vraiment de l'histoire du village. Et ça fait peur, et c'est parfois drôle. Alors ça fait peur, on essayait de nous faire peur, oui, ne va pas trop là-haut parce qu'il y a la fille sauvage, c'est drôle et puis ça fait rêver aussi parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier d'avoir une fille qui est restée à Songy et qui a été connue dans le monde entier. Marie-Angélique, par exemple, a été observée par de grands philosophes, Mambodo, la Condamine, et tous ces gens s'intéressent à elle, c'est-à-dire qu'elle est une sorte de représentante de la nature humaine. Déborah Lévy-Bertera, maître de conférence à l'ENS. Mais ce sont à la fois des philosophes et des explorateurs, sont déjà un petit peu, dans ce siècle des Lumières, la préfiguration de ce que sera la société des observateurs de l'homme qui va s'intéresser à Victor de l'Aveyron. C'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la fois à l'homme tel qu'il est dans la société et à l'homme fantasmé, disons, qui est l'homme naturel, qui pourra être aussi bien le sauvage lointain que l'homme ancestral. Donc elle est tout ça à la fois. Elle est l'humanité, pure et crue et barbare, hein, qui semble surgir comme ça d'un monde archaïque. Et puis, elle est la sauvage lointaine. On cherche vraiment, à ce moment-là, les frontières. On cherche où passe la limite entre l'humain et le non-humain. Et bien sûr, le langage est un point fondamental. Il y a quand même quelque chose de fascinant, en effet, avoir un enfant qui pousse des cris, qui est dans un état intellectuel extrêmement déficient, de voir ce que l'éducation peut faire pour récupérer véritablement. Donc c'est assez optimiste comme histoire. Oui, l'optimisme mène Marie-Angélique à devenir finalement une vieille fille un peu bourgeoise dans le centre de Paris. Vous savez, elle serait morte dans la forêt. Hein. Donc il vaut mieux être une bourgeoise dans le centre de Paris que morte dans la forêt. Non, mais je voulais dire surtout le... Je suis sûr que ça, qu'elle serait morte parce qu'elle est parvenue à survivre, à surmonter des... Un environnement difficile. Oui, mais elle était jeune, très jeune. Mmh. Elle n'allait pas devenir sexagénaire, hein, toujours en grimpant aux arbres et en sautant dans les mares poissonneuses, si vous voulez. Hein. Non, mais l'optimisme, il vient du fait que de penser que, sauf exception, un jeune être n'est jamais irrécupérable, n'est jamais complètement perdu pour l'éducation. En tout cas, on peut vouloir le croire et Marie-Angélique nous permet de le penser. Après son apparition en 1731 à Songy et son placement à l'hôpital Saint-Maur à Châlons, Marie-Angélique erre de couvent en couvent, passant par Sainte-Menou, Vitry-le-François, Joinville. Sa foi est sincère, sa piété est grande, mais aucune des communautés qu'elle supplie de l'accueillir n'en veut. Il semble que ses 10 années de vie sauvage lui interdisent d'épouser le Seigneur. L'empreinte du démon serait trop forte. Derrière cette volonté contrariée, une interrogation demeure. Marie-Angélique n'a-t-elle jamais regretté les bois d'où on l'a tirée? Alors, le 20 avril 1750, elle prend la diligence, donc la voiture de l'époque, pour Paris. Quand elle part vivre à Paris, elle est chez elle. Alors, elle va vivre à plusieurs endroits dans Paris, hein, mais elle vit dans une maison. Elle est plus placée chez des sœurs ou autres, hein, avec un mobilier qui lui est propre, etc., etc. Elle a rencontré le duc d'Orléans, qui lui a offert une pension jusqu'à ce que lui-même décède. Et ensuite, elle a rencontré la reine de France, qui était la fille de la reine de Pologne. Donc, elle avait déjà entendu parler de Marie-Angélique par sa mère. Et elle-même aussi lui a versé une pension et lui a permis, en fait, de finir sa vie dans des conditions plutôt favorables, puisque au moment de son décès, on a trouvé dans l'inventaire de ses biens qu'elle possédait une vingtaine de fauteuils. Donc on peut donc imaginer qu'elle tenait salon comme beaucoup de personnes de son époque. Et elle est morte en 1775. Et là, à Paris. Et là non plus, on n'a pas de tombe. Elle a été mise dans les fosses communes. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de... Voilà. Finalement, on apprend quoi de cette histoire ? Récoltée si partiellement au XVIIIe siècle. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'on en a fait, c'est-à-dire la manière dont on a pu faire de Marie-Angélique un condensé de tout ce qui fascinait à l'époque dans, disons, l'altérité. C'est l'image de l'autre. On va chercher en elle exactement l'opposé de ce qu'on attend d'une jeune fille occidentale. Et donc justement, toutes ces aptitudes très barbares, sauvages, etc., sont aussi admirables. Elle est un prodige. Et alors, on va précisément aller projeter en elle ces images de Labrador, de Terre-Neuve, enfin de l'extrême nord canadien, au moment où on est en pleine bataille avec les Anglais autour de ces territoires-là. Donc voilà, on a besoin d'elle pour s'y ancrer, hein, pour les revendiquer d'une certaine manière. Et puis, lointaine dans le temps aussi. Elle est comme surgie d'un temps immémorial. Donc, elle est une espèce d'Ève. Donc, on va chercher ça en elle aussi, cette origine de l'homme. Et puis, en plus, c'est une fille. Donc, qu'est-ce que c'est que la sauvagerie féminine? C'est quelque chose qui est fascinant et en même temps terrifiant. Marie-Angélique, la fille sauvage de Champagne, second épisode, où l'on élucide les mystères de la fille sauvage. Avec Anne Richardot, maître de conférence à l'Université de Lille, Éric Félizon, propriétaire des vestiges du château de Songy, Déborah Lévy-Bertera, maître de conférence à l'ENS, Aurélie Bévière, co-scénariste de la bande dessinée Sauvage aux éditions Delcourt, Julia Dowsett Viglione, professeure émérite de l'Université Notre-Dame dans l'Indiana, Pascaline Vattier, des archives municipales de Chalon, Isabelle Guyot et Pierre Gandil, de la bibliothèque de Chalon, Francis Passinas, maire de Songy. Texte lu par Céline Milia Baumgartner. Merci à la radio publique américaine KUOW à Seattle, à Serge Arol, à François Dominique, à la bibliothèque et aux archives municipales de Châlons-en-Champagne, ainsi qu'à Alice Jounot. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, prise de son Pierre Quintard, mixage Éric Boisset. Une histoire particulière, Julie Bérécy, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Je vous emmène à Londres, à la National Gallery. Mais c'est une autre histoire.